fut peut-être la plus délicieuse, car tous les monuments ont conservé leur cachet d'antiquité. Au lieu qu'au centre de Rome, l'on pourrait se croire à Paris en voyant la magnificence des hôtels et des magasins. Cette promenade dans les campagnes romaines m'a laissé un bien doux souvenir. Je ne parlerai point des lieux que nous avons visités. Il y a assez de livres qui les décrivent dans leur étendue, mais seulement des principales impressions que j'ai ressenties. Une des plus douces fut celle qui me fit tressaillir à la vue du Colisée. Je la voyais donc enfin, cette arène où tant de martyrs avaient versé leur sang pour Jésus. Déjà je m'apprêtais à baiser la terre qu'ils avaient sanctifiée, mais quelle déception! Le centre n'est qu'un amas de décombres que les pèlerins doivent se contenter de regarder, car une barrière en défend l'entrée. D'ailleurs, personne n'est tenté d'essayer de pénétrer au milieu de ces ruines. Fallait-il être venu à Rome sans descendre au Colisée? Cela me paraissait impossible. Je n'écoutais plus les explications du guide. Une seule pensée m'occupait. Descendre dans l'arène. Voyant un ouvrier qui passait avec une échelle, je fus sur le point de la lui demander. Heureusement, je ne mis pas mon idée à exécution, car il m'aurait prise pour une folle. Il est dit dans l'Évangile que Madeleine, restant toujours auprès du tombeau et se baissant à plusieurs reprises pour regarder à l'intérieur, finit par voir deux anges. Comme elle, tout en ayant reconnu l'impossibilité de voir mes désirs réalisés, je continuais de me baisser vers les ruines où je voulais descendre. À la fin, je ne vis pas d'ange, mais ce que je cherchais. Je poussai un cri de joie et dis à Céline : « Viens vite, nous allons pouvoir passer. » Aussitôt, nous franchissons la barrière que les décombres atteignaient en cet endroit, et nous voilà escaladant les ruines qui croulaient sous nos pas. Papa nous regardait tout étonné de notre audace. Bientôt il nous dit de revenir, mais les deux fugitives n'entendaient plus rien. De même que les guerriers sentent leur courage augmenter au milieu du péril, ainsi notre joie grandissait en proportion de la peine que nous avions pour atteindre l'objet de nos désirs. Céline, plus prévoyante que moi, avait écouté le guide et se rappelant qu'il venait de signaler un certain petit pavé croisé, comme étant celui où combattaient les martyrs, se mit à le chercher. Bientôt, l'ayant trouvé et nous étant agenouillés sur cette terre sacrée, nos âmes se confondirent en une même prière. Mon cœur battait bien fort lorsque mes lèvres s'approchèrent de la poussière empourprée du sang des premiers chrétiens. Je demandai la grâce d'être aussi martyr pour Jésus, et je sentis au fond de mon cœur que ma prière était exaucée. Tout ceci fut accompli en très peu de temps. Après avoir pris quelques pierres, nous revînmes vers les murs en ruine pour recommencer notre périlleuse entreprise. Papa, nous voyant si heureuses, ne put pas nous gronder, je vis bien qu'il était fier de notre courage. Le bon Dieu nous protégea visiblement, car les pèlerins ne s'aperçurent pas de notre absence, étant plus loin que nous, occupés à regarder sans doute les magnifiques arcades où le guide faisait remarquer les petits cornichons et les cupides posés dessus. Aussi ni lui ni messieurs les abbés ne connurent la joie qui remplissait nos cœurs. Les catacombes m'ont aussi laissé une bien douce impression. Elles sont telles que je me les étais figurées en lisant leurs descriptions dans la vie des martyrs. Après y avoir passé une partie de l'après-midi, il me semblait y être seulement depuis quelques instants, tant l'atmosphère qu'on y respire me paraissait embaumée. Il fallait bien remporter quelques souvenirs des catacombes. Aussi, ayant laissé la procession s'éloigner un peu, Céline et Thérèse se coulèrent ensemble jusqu'au fond de l'ancien tombeau de Sainte Cécile et prirent de la terre sanctifiée par sa présence. Avant mon voyage de Rome, je n'avais pour cette sainte aucune dévotion particulière. Mais en visitant sa maison, changée en église, le lieu de son martyre, en apprenant qu'elle avait été proclamée reine de l'harmonie, non pas à cause de sa belle voix ni de son talent pour la musique, mais en mémoire du chant virginal qu'elle fit entendre à son époux céleste caché au fond de son cœur, je sentis pour elle plus que de la dévotion, une véritable tendresse d'amie. Elle devint ma sainte de prédilection, ma confidente intime. Tout en elle me ravit, surtout son abandon, sa confiance illimitée qui l'ont rendue capable de virginiser des âmes n'ayant jamais désiré d'autre joie que celle de la vie présente. Sainte Cécile est semblable à l'épouse des cantiques. En elle, je vois un cœur dans un camp d'armée. Sa vie n'a pas été autre chose qu'un chant mélodieux, au milieu même des plus grandes épreuves. Et cela ne m'étonne pas, puisque l'évangile sacré reposait sur son cœur et que dans son cœur reposait l'époux des vierges. La visite à l'église Sainte-Agnès me fut aussi bien douce. C'était une amie d'enfance que j'allais visiter chez elle. Je lui parlais longuement de celle qui porte si bien son nom et je fis tous mes efforts pour obtenir une des reliques de l'angélique patronne de ma mère chérie afin de la lui rapporter. Mais il nous fut impossible d'en avoir d'autres qu'une petite pierre rouge qui se détacha d'une riche mosaïque dont l'origine remonte au temps de Sainte Agnès et qu'elle a dû souvent regarder. N'était-ce pas charmant que l'aimable sainte nous donna elle-même ce que nous cherchions et qu'il nous était interdit de prendre? J'ai toujours regardé cela comme une délicatesse et une preuve de l'amour avec lequel la douce Sainte Agnès regarde et protège ma mère chérie. 6 jours se passèrent à visiter les principales merveilles de Rome, et ce fut le 7e que je vis la plus grande de toutes, Léon XIII. Ce jour, je le désirais et je le redoutais en même temps. C'était de lui que ma vocation dépendait, car la réponse que je devais recevoir de mon Seigneur n'était pas arrivée, et j'avais appris par une lettre de vous, ma mère, qu'il n'était plus très bien disposé pour moi. Aussi, mon unique planche de salut était la permission du Saint-Père. Mais pour l'obtenir, il fallait la demander. Il fallait devant tout le monde oser parler au pape. Cette pensée me faisait trembler. Ce que j'ai souffert avant l'audience, le bon Dieu seul le sait, avec ma chère Céline. Jamais je n'oublierai la part qu'elle a prise à toutes mes épreuves. Il semblait que ma vocation était la sienne. Notre amour mutuel était remarqué par les prêtres du pèlerinage. Un soir, étant en société si nombreuse que les sièges manquaient, Céline me prit sur ses genoux et nous nous regardions si gentiment qu'un prêtre s'écria « Comme elles s'aiment! Ah, jamais ces deux sœurs ne pourront se séparer !» Oui, nous nous aimions, mais notre affection était si pure et si forte que la pensée de la séparation ne nous troublait pas, car nous sentions que rien, même l'océan, ne pourrait nous éloigner l'une de l'autre. Céline voyait avec calme ma petite nacelle abordée au rivage du Carmel. Elle se résignait à rester aussi longtemps que le bon Dieu voudrait, sur la mer orageuse du monde, sûre d'aborder à son tour sur la rive objet de nos désirs. Le dimanche 20 novembre, après nous être habillés suivant le cérémonial du Vatican, c'est-à-dire en noir avec une mantille de dentelle pour coiffure, et nous être décorés d'une large médaille de Léon XIII suspendue à un ruban bleu et blanc, nous avons fait notre entrée au Vatican dans la chapelle du souverain pontife. À 8 heures, notre émotion fut profonde en le voyant entrer pour célébrer la Sainte Messe. Après avoir béni les nombreux pèlerins réunis autour de lui, il gravit les degrés du Saint-Autel et nous montra par sa piété, digne du vicaire de Jésus, qu'il était véritablement le Saint-Père. Mon cœur battait bien fort et mes prières étaient bien ardentes pendant que Jésus descendait entre les mains de son pontife. Cependant, j'étais rempli de confiance. L'évangile de ce jour renfermait ces ravissantes paroles. « Ne craignez pas, petit troupeau, car il a plu à mon Père de vous donner son royaume. » Non, je ne craignais pas. J'espérais que le royaume du Carmel m'appartiendrait bientôt. Je ne pensais pas alors à ces autres paroles de Jésus. « Je vous prépare mon royaume comme mon Père me l'a préparé. » C'est-à-dire, « Je vous réserve des croix et des épreuves. C'est ainsi que vous serez digne de posséder ce royaume après lequel vous soupirez. » Puisqu'il a été nécessaire que le Christ souffrit et qu'il entra par là dans sa gloire, si vous désirez avoir place à ses côtés, buvez le calice qu'il a bu lui-même. Ce calice, il me fut présenté par le Saint-Père, et mes larmes se mêlèrent à l'amer breuvage qui m'était offert. Après la messe d'action de grâce qui suivit celle de sa sainteté, l'audience commença. Léon XIII était assis sur un grand fauteuil. Il était vêtu simplement d'une soutane blanche, d'un camail de même couleur et n'avait sur la tête qu'une petite calotte. Autour de lui se tenaient des cardinaux, archevêques et évêques, mais je ne les ai vus qu'en général, étant occupés du Saint-Père. Nous passions devant lui en procession. Chaque pèlerin s'agenouillait à son tour, baisait le pied et la main de Léon XIII, recevait sa bénédiction, et 2 gardes nobles le touchaient par cérémonie, lui indiquant par là de se lever. Aux pèlerins, car je m'explique si mal qu'on pourrait croire que c'était au pape. Avant de pénétrer dans l'appartement pontifical, j'étais bien résolue à parler, mais je sentis mon courage faiblir en voyant à la droite du Saint-Pierre Monsieur Reveroni. Presque au même instant, on nous dit de sa part qu'il défendait de parler à Léon XIII, l'audience se prolongeant trop longtemps. Je me tournai vers ma Céline chérie, afin de savoir son avis, Parle, me dit-elle. Un instant après, j'étais au pied du Saint-Père. Ayant baisé sa mule, il me présentait la main. Mais au lieu de la baiser, je joignis les miennes et levai vers son visage mes yeux baignés de larmes. Je m'écriai, « Très Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. » Alors le souverain pontife baissa la tête vers moi, de manière que ma figure touchait presque la sienne. Et je vis ses yeux noirs et profonds se fixer sur moi et sembler me pénétrer jusqu'au fond de l'âme. « Très Saint-Père, lui dis-je, en l'honneur de votre jubilé, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. » L'émotion avait sans doute fait trembler ma voix. Aussi, se retournant vers Monsieur Réveroni qui me regardait avec étonnement et mécontentement, le Saint-Père dit « Je ne comprends pas très bien. » Si le bon Dieu lui permit, il eût été facile que Monsieur Réveroni m'obtînt ce que je désirais. Mais c'était la croix et non la consolation qu'il voulait me donner. « Très Saint-Père, répondit le grand vicaire, c'est une enfant qui désire entrer au Carmel à 15 ans. Mais les supérieurs examinent la question en ce moment. » « Eh bien, mon enfant, reprit le Saint-Père en me regardant avec bonté, faites ce que les supérieurs vous diront. » M'appuyant alors les mains sur ses genoux, je tentai un dernier effort et je dis d'une voix suppliante, « Ô très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. » Il me regarda fixement et prononça ces mots en appuyant sur chaque syllabe. « Allons, allons. Vous entrerez si le bon Dieu le veut. » Son accent avait quelque chose de si pénétrant et de si convaincu qu'il me semble encore l'entendre. La bonté du Saint-Père m'encourageant, je voulais encore parler, mais les deux gardes nobles me touchèrent poliment pour me faire lever. Voyant que cela ne suffisait pas, ils me prirent par les bras et Monsieur Réveroni les aida à me soulever, car je restais encore les mains jointes, appuyée sur les genoux de Léon XIII. Et ce fut de force qu'ils m'arrachèrent de ses pieds. Au moment où j'étais ainsi enlevée, le Saint-Père posa sa main sur mes lèvres, puis la leva pour me bénir. Alors mes yeux se remplirent de larmes. Et Monsieur Réveroni put contempler au moins autant de diamants qu'il en avait vus à Bayeux. Les deux gardes nobles me portèrent pour ainsi dire jusqu'à la porte. Et là, un troisième me donna une médaille de Léon XIII. Céline, qui me suivait, avait été témoin de la scène qui venait de se passer. Presque aussi émue que moi, elle eut cependant le courage de demander au Saint-Père une bénédiction pour le Carmel. Monsieur Réveroni, d'une voix mécontente, répondit « Il est déjà béni, le Carmel. » Le beau Saint-Père reprit avec douceur « Oh oui, il est déjà béni. » Avant nous, papa était venu au pied de Léon XIII avec les messieurs. Monsieur Réveroni avait été charmant pour lui, le présentant comme le père de deux carmélites. Le souverain pontife, en guise de particulière bienveillance, posa sa main sur la tête vénérable de mon roi chéri, semblant ainsi le marquer d'un sceau mystérieux au nom de celui dont il est le véritable représentant. Ah, maintenant qu'il est au ciel, ce père de quatre carmélites, ce n'est plus la main du pontife qui repose sur son front, lui prophétisant le martyre. C'est la main de l'époux des vierges, du roi de gloire, qui fait resplendir la tête de son fidèle serviteur. Et plus jamais cette main adorée ne cessera de reposer sur le front qu'elle a glorifié. Mon papa chéri eut bien de la peine de me trouver tout en larmes au sortir de l'audience. Il fit tout ce qu'il put pour me consoler, mais en vain. Au fond du cœur, je sentais une grande paix, puisque j'avais fait absolument tout ce qu'il était en mon pouvoir de faire pour répondre à ce que le bon Dieu demandait de moi. Mais cette paix était au fond, et l'amertume remplissait mon âme, car Jésus se taisait. Il semblait absent, rien ne révélait sa présence. Ce jour-là encore, le soleil n'osa pas briller, le beau ciel bleu d'Italie, chargé de nuages sombres, ne cessa de pleurer avec moi. Ah, c'était fini. Mon voyage n'avait plus aucun charme à mes yeux, puisque le but en était manqué. Cependant, les dernières paroles du Saint-Père auraient dû me consoler. N'était-elle pas en effet une véritable prophétie ? Malgré tous les obstacles, ce que le bon Dieu a voulu s'est accompli. Il n'a pas permis aux créatures de faire ce qu'elles voulaient, mais sa volonté à lui. Depuis quelque temps, je m'étais offerte à l'enfant Jésus pour être son petit jouet. Je lui avais dit de ne pas se servir de moi comme d'un jouet de prix, que les enfants se contentent de regarder sans oser y toucher, mais comme d'une petite balle de nulle valeur qu'il pouvait jeter à terre, pousser du pied, percer, laisser dans un coin ou bien presser sur son cœur si cela lui faisait plaisir. En un mot, je voulais amuser le petit Jésus, lui faire plaisir. Je voulais me livrer à ses caprices enfantins. Il avait exaucé ma prière. À Rome, Jésus perça son petit jouet. Il voulait voir ce qu'il y avait dedans, et puis, l'ayant vu, content de sa découverte, il laissa tomber sa petite balle et s'endormit. Que fit-il pendant son doux sommeil, et que devint la petite balle abandonnée? Jésus rêva qu'il s'amusait encore avec son jouet, le laissant et le prenant tour à tour, et puis qu'après l'avoir fait rouler bien loin, il le pressait sur son cœur, ne permettant plus qu'il s'éloigne jamais de sa petite main. Vous comprenez, ma mère chérie, combien la petite balle était triste de se voir par terre. Cependant, je ne cessais d'espérer contre toute espérance. Quelques jours après l'audience du Saint-Père, papa, étant allé voir le bon frère Siméon, trouva chez lui M. Révéroni qui fut très aimable. Papa lui reprocha gaiement de ne pas m'avoir aidé dans ma difficile entreprise. Puis il raconta l'histoire de sa reine au frère Siméon. Le vénérable vieillard écouta son récit avec beaucoup d'intérêt, en prit même des notes et dit avec émotion « On ne voit pas cela en Italie ». Je crois que cette entrevue fit une très bonne impression à M. Révéroni. Dans la suite, il ne cessa de me prouver qu'il était enfin convaincu de ma vocation.